Bonjour. Il y a un petit peu de bonheur, donc je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de gens. Quoique en Europe, bon, dans les coins où on m'écoute, j'imagine qu'il est 6 heures plus tard, autour de 6 heures plus tard. Donc, je fais un direct, pas nécessairement parce que je me sentais en état d'être volubile beaucoup, de faire un direct, mais parce que j'ai du temps ce matin. Puis là, plus tard, je ne sais pas si je vais en avoir. Il y avait le pape qui vient de partir, qui est venu au Québec. Bon, c'est des choses qui soulèvent les passions. C'est des choses. Il y a même Guy Lepage là, qui s'était réjoui que les plaines d'Abraham soient vides. Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé puis il est reparti. Donc, ah non, il est revenu. Donc, Guy Lepage qui se réjouissait que les plaines d'Abraham soient vides, c'est parce que le pape n'est pas venu pour nous autres, là. Il est venu pour les Autochtones. En même temps, oui, on peut voir ça comme une opération de communication, mais il reste que de là à se réjouir que les plaines d'Abraham soient vides, je veux dire, qu'est-ce que ça vient faire? Il y en a, ils vont haïr l'institution coûte que coûte, même quand ils font de quoi d'ajuster. Là, ça devient de la mauvaise foi. On peut appeler ça de la mauvaise foi. Il y en a qui ont dit, ah, il est venu s'excuser d'être catholique. C'est pas le cas. Ça n'a rien à voir. Il est venu s'excuser pour les crimes commis par des gens qui étaient liés à l'Église. Puis, juste ça, moi, je peux pas être. Je peux pas. C'est entre les Autochtones et l'Église, au fond. Puis juste que certaines choses soient reconnues, ça va permettre à des individus de mettre de côté des choses souffrantes puis d'aller de l'avant. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui est important. Là, il y en a, ils vont dire, ouais, ça peut les rendre naïfs puis ils vont se faire y avoir. Non, non, pas nécessairement. Bon matin, Lucie. Donc, que le pape soit venu, ben, moi, je peux pas être. Je peux pas. Je peux pas considérer que c'était pas ajusté. Puis là, il essaie, bon, je veux dire, il y a eu des maladresses, il y a eu des petites choses, mais c'est pas de nos affaires. Moi, ça me regarde pas. Mais quand quelque chose est ajusté, bon, pour moi, le reconnaître, puis dire, bon, ben, c'est correct. Puis comme je vous dis, je considère que les gens qui ont un passé de souffrance par rapport à ça vont pouvoir peut-être mettre de côté, puis aller de l'avant avec ça. Donc, je peux pas être contre. Je peux pas être contre. Puis j'ai bien de la misère avec des gens qui aiment Guy Lepage, qui se réjouissaient bon de mouche à fruits, des calices de mon café. Bonjour, Lindus. Donc, vous prononcez Lindus ou Lindus, même si c'est probablement un pseudonyme. Cristaline, bon matin. Donc, par rapport à ça, là, bonjour, Jacinthe. Juste dans mon coin, là, ce qu'il y a eu par rapport aux Autochtones puis à l'Église, là, il y a des choses, ça dépasse C'est assez choquant. C'est assez choquant, puis il était temps, peut-être, qu'il y ait une reconnaissance de ça. Lindus pour Linda. Ah, oh, OK. Au Québec, il y a des gens qui prononcent Linda. Mais c'est pas très. Bon, Linda. J'ai une tante qui s'appelait Linda, qui était une petite femme, tout petite. Puis elle battait des hommes au tir au poignet. C'était assez spécial. Mais elle avait un truc, tout de suite au début, en tout cas, elle était. Comment je pourrais. Elle comprenait un peu la mécanique, là. De comment fonctionne un bras humain, puis elle servait de la mécanique pour battre des hommes plus forts qu'elle. Il y a une fois à Montréal, ma tante Linda, il y a un homme qui est arrivé pour lui prendre son sac à main à l'arraché, puis savez-vous ce qui est arrivé? Il a mangé une volée à coups de sacoche. Il s'est fini par se sauver. Je suis tombé justement ce matin sur la capsule concernant les archontes et toute la patente. Ça fait du bien d'entendre ça. Moi, et puis même là, hier, j'étais pas certain si j'avais bien fait. Non, je pense que c'était correct. L'affaire, c'est que dès qu'on est en lutte, on nourrit. On nourrit que c'est pour ça, là, faire attention avec certaines choses. Puis, il y en a, bon, ils font de la soupe. Ils mettent tout dans la soupe. Les vieilles formes, c'est intéressant pour les défaire. Voir ce qu'il y a derrière, voir à travers. Mais là, si on se met à se redensifier dans des vieilles formes au niveau d'une mémoire, puis bon, ça devient un terrain miné. Donc, des fois, ben, au moins dire, ben, il y a des mines par là. Il y a des mines par là, puis ça peut être dangereux. Donc, il n'y a personne. En Europe, il n'y a pas eu une couverture beaucoup hein, de la visite du pape au Québec. Je te rejoins complètement dans le fait que dès qu'il y a trop d'audience, c'est astralisé, souvent. Oh, quand quelque chose est populaire, là. Merci pour tes capsules. Oui, très bien fait. Ah, ben, de rien. Pourtant, c'est pas très professionnel, mon affaire, justement, parce que j'essaye de pas. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a recommandé de prendre un micro-cravate. Mais, pour être franc avec vous, j'ai jamais pris la peine de. Par ici, je sais pas, il faudrait que j'aille dans une papeterie. Bonjour, Michael. Isia, bonjour. Il y en a qui sont lève-tôt ou bien ils sont en Europe. Surtout le samedi matin, là, c'est assez. Les gens qui sont entre deux âges, d'habitude, ne sont pas debout parce qu'il festoie le vendredi, mais bon. Moi, je ne fête pas jamais. Ça fait un bout de temps que je bois pas. Puis, lève-tôt pour moi, bon, Lucie. Stéphane, bon matin, Stéphane. Donc, Maxime, bonjour. Donc, par rapport à tout ça, les archons, ces choses-là, il y a le systémique, puis le systémique, on s'est tout le temps fait avoir, notamment par des formes comme ça. Donc, pas que je me méfie, mais je reconnais des choses que, bon, j'ai été un bout de temps dans des choses comme ça aussi. Plus jeune, là, j'étais. 16-17 ans. Christaline, il y a un sujet que je trouve très intéressant, c'est le mandat d'incarnation. Penses-tu que c'est nécessaire d'en parler? Mais pourquoi un mandat d'incarnation? Au niveau évolutionnaire, par exemple, est-ce que ça peut pas se faire en dehors de la matière? On n'a pas le choix. C'est pour ça la phase, c'est pour ça que j'ai tellement de misère par rapport à ceux qui vont antagoniser la matière. Antagoniser la matière. On dirait qu'ils ont plus la sensibilité de ce qu'on appelait anciennement la création. Puis, je veux dire, la matière n'est pas mauvaise. Je veux dire, quand il y a une évolution, que ce soit une évolution d'âme ou une vraie évolution, au sens des forces évolutionnaires, ça se passe dans la matière. Ça peut pas se passer on ne peut pas être désincarné, puis. Donc, l'affaire, le mandat d'incarnation, oui, étant donné que c'est expérimental, puis que aussi on est dans un plan où il y a une interaction, ben, il reste que ça passe par là. Donc, il y a des facilitateurs. En même temps que l'autre, même quand il nous nuit, fait partie quand même de ces processus-là, parce qu'on va dire. On subjectivise, on va considérer, bon, ben, comme il y a des gens, ils vont s'être fait battre par leur père ou dénigrer par leur mère. Ils ne se rendent pas compte que c'est venu à bout d'intégrer ce qu'il y a derrière cette expérience-là, que ce serait évolutionnaire. Il y a des gens qui ne battent pas leurs enfants parce qu'ils ont été battus de la même façon qu'il y en a qui ne sont pas capables d'intégrer l'expérimental, qui ne voient pas ce qu'il y a derrière, puis ils vont battre leurs enfants parce qu'ils étaient battus. C'est du mimétisme à ce moment-là de l'inconscience. Bon matin, Angélique. Cristaline, j'ai entendu parler que les initiés connaissaient leur date de fin d'incarnation. C'est en ce sens-là que je parle. Ah, ouais, j'ai de la misère un petit peu avec ça, bien franchement. Il y en a, oui, on dirait qu'il semblerait que, mais là. C'est souvent des gens qui ont vécu des initiations au niveau astral qui vont connaître la date de leur mort. Donc ça, j'en prends et j'en lisse, là. Je fais attention. Parce que ce que je sache, à ce que je sache, les initiés les plus entre guillemets, là, que je dis initiés, les gens les plus marquants, ils étaient face à leur expérimental comme tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait une capacité d'empathie, entre autres. Donc, des gens qui connaissent la date de leur mort, c'est de la programmation. Fait que ça donne quoi de soulever un voile sur la programmation si on peut rien faire avec, puis que c'est comme si c'était taillé dans le roc. Et ça prend des imprévus, même au niveau de ce qui est prévu. Sinon, ça veut dire que le processus évolutionnaire, on a suivi une ligne un petit peu d'initiation astrale, là. Puis c'est toujours extrêmement difficile, ces vécus-là. Donc, peut-être faire attention avec ça. Il y en a des initiants de guillemets qui connaissaient la date de leur mort parce que c'était des control freaks puis qui ont tout fait pour que ce soit cette date-là. Ça, c'est pas. Il y en a d'autres, c'est pas une vraie mission, par exemple. Faire intégrer des choses à la masse, c'est ce qu'il y a de pire, ça. Souvent, ces gens-là, ils savent la date de leur mort parce que le collectif, il va les mettre à mort. Donc là, on tombe dans des choses, mais est-ce que c'est important la date, de savoir la date ou pas? Je me doute que je ne vivrai pas jusqu'à 100 ans, mais je ne commencerai pas à tomber dans l'astrologie pour savoir quand. Ça ne m'intéresse pas. J'ai tout le temps trouvé ça ennuyant, l'astrologie. Mais bon, de toute façon, avec certaines données modernes, puis il y a des choses, ça change la donne, là. Comme dans mon cas, là, il y a des numérologues des fois, puis je leur demandais pas, puis ils s'amusaient à me faire de la numérologie par rapport à moi, puis ils me sortaient tout le temps des affaires. Heureusement que j'ai pas pris ça au sérieux. Ou les gens qui font des cartes du ciel, moi j'ai une carte du ciel bien spéciale. La planète qui mène, si on prend des choses plus modernes, là, chez moi, là, ce qui est dominant, c'est Uranus, la planète la plus frette. Ce matin, j'ai fait un post sur Facebook sur le sujet de la folie. Comment l'aperçois-tu? Je sais, le sujet est vaste. Ça dépend ce qu'on entend par de la folie. L'être humain est fou, en général. C'est-à-dire, il est inconscient. J'en ai déjà parlé avec David Levaque de ça. L'être humain est fou. C'est un fou. J'ai une nièce décédée à 30 ans. Elle sentait et disait qu'elle ne vivrait pas vieille quelque part, moi. L'affaire, c'est que, justement, on se soumet à des autorités de programmation. C'est allé au-delà de ça, l'aurait vécu plus vieille. De pas prendre ça comme. C'est un accident d'auto. Ah oui. Bon, ben, ça change certaines choses. Mais des fois, il y a des conjonctures. Dans le sens que c'est correct, c'est possible. Mais il faut faire la part entre quelqu'un qui dit ça parce qu'il est défaitiste puis dépressif, puis quelqu'un qui dit ça dans une certaine bonne humeur qui continue quand même. Dans le sens qu'on n'est pas pour s'arrêter à ça. Bonjour, Jean. Donc, c'est drôle ça, vous avez comme pseudo juste Jean tout seul comme ça. T'as pas déjà pris sur YouTube. Cristalline, la numérologie, c'est à prendre et à laisser, et certainement associé à l'astronomie et d'autres sciences, le quantique ou autres sciences holographiques, moins. Ça dépend de ce qu'on entend par holographique. Non, il a eu une vie très pleine et simple. Bon, ça, c'est correct. C'est pas grave de savoir qu'on va mourir jeune si on vit pour vrai. Il y en a plein qui ont justement qui ont des. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus vivre pleinement notre vie parce qu'on va mourir. Ça devient être. Bonjour Berthold, bonjour à tous de Lyon. Ah, la ville de Jean-Philippe Rameau. Non, c'est Dijon, Rameau. Pardon, mais Lyon, ça a l'air impressionnant comme ville. Merci pour la capsule sur les archontes et ton appel sur la nécessité de renoncer aux formes. Ouais, mais faut pas non plus tomber dans un dénuement spirituel comme on a déjà vu. Comme il y en a qui ont laissé leur famille, qui ont tout laissé pour partir. Là, ça, c'est pas être détaché de la foi. C'est de l'inconscience presque. Là. C'est également une recommandation dans la philosophie de Advaita Vedanta, dont Ramana Maharshi. As-tu un avis sur cette approche traditionnelle de la libération de l'esprit? Non. Je vais être franc avec vous. Je suis pas, j'ai jamais eu d'attrait pour tout ce qui est relatif à l'Inde. Puis même jusqu'à un certain point, je pourrais dire que même j'ai pas envie de tomber là-dedans parce que c'est des choses justement que je considère, ben là c'est plus de la philosophie des fois, mais quand même je n'ai pas... L'Inde, là, c'est ce dont je suis le plus ignorant. Puis c'est pas à cause d'une paresse intellectuelle que j'ai eue dans le passé, c'est à cause d'une sorte de rancœur. Dans le sens que ce que l'Inde est, j'ai de la misère avec ça. Notamment, là, un paquet d'aspects, un paquet de choses. Merci beaucoup, vous êtes magnifique. Bonjour à tous, Nathalie de François Bello, magnifique. Mettez-en pas trop, là. Hein? Prenez... Laurent le Magnifique, il était pas bien beau. Hein? Il était pas bien ben magnifique. Y a-t-il moyen que l'on parle de taux vibratoire plus élevé que les plans ou paliers inférieurs, du moins le surmental ou autre, pour avoir des sujets dans l'évolution? Oui, ça dépend dans l'état que je suis, mais là, ça tombe dans des choses, il faudrait que je me mette dans un autre état où, bon... Là, ce matin, je n'ai pas envie de commencer ma journée dans cette froideur dure-là quand même. Puis, bon, si je jase avec les gens, c'est pas justement, bon, moi aussi, j'ai besoin de contact humain. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à atteindre le supramental seul ou s'il faut absolument être accompagné par quelqu'un qui a atteint ce niveau? Ça, je pense que ça, je vais aller contre un paquet de monde. Je pense que ça peut juste se faire seul, au fond. Vous pouvez vous servir de ce qui a été dit par d'autres ou de la vibration de d'autres, un peu comme un support, ou un peu comme un appui, mais vous pouvez vous servir des outils quelque part, ou bien comme des portes. Mais l'affaire là, d'absolument consulter quelqu'un qui aurait soi-disant, ça j'ai de la misère avec ça. Surtout que souvent, c'est des gens qui vont demander, j'allais dire un salaire, mais c'est pas adéquat. Là. C'était un ressenti quand on jasait de la mort. Elle disait, je pense que je ne vivrai pas vieille. OK. Ouais, tant autant que ce n'est pas une certitude psychologique, parce qu'on pourrait se demander si la personne n'est pas en train de... Bon, en tout cas, bonjour Berthold et merci pour vos dernières vidéos. Ben de rien. Je le ferai pas si ça. Il y a des choses, si je les avais pas dites moi-même, j'aurais pas vu ça. Ben, il y a d'autres choses, par exemple, que je sais puis que je me répète, là. Mais même, là, ce que je considère, moi, savoir, ça peut être complètement faux pour d'autres, c'est correct. J'ai pas à. J'appelle science holographique le fait de percevoir notre univers comme virtuel et simulé. C'est ça le problème. Il y a une différence entre la perception subjective humaine puis l'univers lui-même en lui-même. C'est là où, conçu sur la mathématique, la géométrie, les sons et l'alphabet. J'éviterai de parler de matrice, moi. L'affaire, c'est que ces affaires-là, comme les mathématiques, puis il reste que c'est des lois systémiques, puis on n'y échappe pas, que ce soit dans le plan matériel ou d'autres. Il y a tout le temps des lois systémiques. Donc, de ne pas rejeter, je veux dire, l'évolutionnaire, tout ce qui est évolutionnaire, ça ne peut pas se faire en dehors de la matière de ce monde-là que vous appelez holographique. Le fait qu'on n'a pas accès au réel en dehors de la palpation à travers notre perception ne fait pas que le monde à l'extérieur, entre guillemets, à l'extérieur, n'est pas réel. Donc, la chose en soi, parce qu'il y a des forces, on dirait, qui veulent nous tirer d'en dehors de la matière. puis qui veulent nous faire rejeter la matière. Bon, ben de rien, Maxime. Mais je sais pas pourquoi vous me remerciez. Ah, Maxime, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à atteindre le... Ouais, OK. Qui est en haut du pyramidion, Didier Colac, a beaucoup décodé Chambord. Ah. Vous savez, si j'ai parlé de Chambord, c'est justement pour qu'on cesse d'être fasciné par certaines choses. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se rendre compte que, bon, c'est bien beau, oui, il y a quelque chose d'encodé là, mais on dirait que tant qu'on va le spiritualiser, tant qu'on va voir du mysticisme là-dedans, puis on n'aura pas les clés. Pourquoi certains bâtiments, comme certaines basiliques, ont des parties qu'on appelle la nef, puis c'est comme des plans pour faire des constructions. Je veux dire, oui, il y a de l'encodage, mais plus les constructions. Regardez, il y a tellement de temples justement en Inde, on dirait des machines. C'est des machines. Mais ça commence, les machines, ça commence dans la capacité de synthétisation. C'est pour ça que si vous regardez Raymond Lull, il parlait de ces systèmes comme des machinats. Parce qu'il y a quelque chose de l'autorégulé de machinal, entre autres, mais c'est lié à des lois. Mais Chambord, l'affaire, il va être décodable très, très clairement quand on va arrêter de. Comme qui est en haut du pyramidion, du pyramide, ouais. Tu sais, vous savez, là, moi, j'ai pas vu de pyramidion Chambord. La science holographique fait également référence aux synchronicités et coïncidences parfaites, soit dans un timing parfait. Ouais, ben, c'est des lois. Il y a des lois. C'est ça, là. Dans le sens, comme la géométrie, il y a, si on considère le chaos originel comme un matériau, puis qu'après, il y a une cristallisation de l'énergie, si on peut dire, c'est des lois. Juste, prenez un flocon de neige, ça suit tout le temps la même trame. Hexagonale. Bon. Il y a un petit gris ici. Ceux qui se demandent si les petits gris existent. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller dehors? Wow. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. On va te promener. Viens, on va aller se promener. Va te promener. Bon, j'ai encore dit bonjour à un chat, puis quand on dirait que, bon, c'est un réflexe que j'ai, puis après, il me lâche plus. L'univers nous parle constamment, et voilà. Mais pour ça, pour s'en rendre compte, il faut avoir peur d'eau, chat. Hey, quand je dis bonjour à un chien, c'est pareil. Puis même à un moment donné, il y a une corneille qui voulait socialiser. Quand c'est pas des petits rongeurs, je me fais achaler. C'est un peu moi, là. Je suis un petit peu réceptif, justement. L'univers nous parle constamment. Mais le fait d'être réceptif, ça, des fois, bon, ça fait pas ce qu'on voudrait. J'ai pas envie d'être le père au chat, là. Justement. Mais oui, l'univers nous parle constamment, mais pour ça, il faut avoir une sensibilité. C'est comment est-ce qu'on appelait ça, le liber mundi. Mais le décryptage n'est pas évident. On se fourvoie facilement à cause de nos croyances, moi. C'est pour ça que, admettons que des fois, les gens vont vouloir essayer de comprendre ce qui a été inscrit dans un bâtiment, mais ils vont partir avec des prémices. D'un autre côté, des fois, des gens vont vouloir décrypter un bâtiment, puis ils vont être trop objectifs, puis ils partiront pas avec les prémices conceptuelles des gens qui l'ont conçu. Dans les deux cas, on va trop d'un côté ou trop de l'autre, on se fourvoie. Toujours. Moi aussi, je dis bonjour au chat. J'ai eu un oiseau mort devant ma porte un matin, un cadeau. Moi, l'être humain est très, très impressionnant pour les animaux. Soit ils ont peur, soit ils sont fascinés. Donc, c'est une grosse responsabilité. C'est une taquinerie. Ben oui, je sais. Oui, il parle ensuite chiffré très souvent. Ben oui, c'est des lois. Donc, on n'y échappe pas à ça. Attendre le supramental plutôt de lui permettre de circuler. Pur et pollué. De circuler l'air pur et pollué autour de nous. Nous assimilons mal le bon air si nous ne respirons pas convenablement, si le métabolisme est encrassé. Vous savez ça? C'est surprenant, mais j'ai connu des gens qui étaient très, très mal en point physiquement, qui étaient encrassés, comme vous dites, puis qui percevaient des choses très, très subtiles. Puis j'ai connu aussi des gens qui étaient dans une forme physique parfaite, puis qui comprenaient rien, qui voyaient rien, qui entendaient rien. Donc, c'est relatif tout ça, là. Faut pas oublier, par exemple, atteindre le supramental. Le supramental, il obéit à ses propres lois. Puis, c'est pas comme dans le temps de Jean Calvin, puis d'avoir le corps comme un temple, puis de rester pur. Oui, il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Il va tout le temps y avoir des exceptions. Il y a des gens, justement, que c'est parce qu'ils sont encrassés qu'ils vont percevoir certaines choses que d'autres percevront pas. Pas parce qu'ils sont pas encrassés que les autres les perçoivent pas. Mais il va y avoir une mise en condition par rapport à la sensibilité, entre autres. C'est souvent les systèmes nerveux défaillants qui perçoivent le plus de choses. C'est pour ça que ça peut être dangereux des fois, là. C'est pour ça que j'ai toujours été contre les gens qui essaient d'atteindre des niveaux de conscience par la drogue, par exemple. Comme Stanislas de Gaïta, qui est mort à quoi? Il y avait quoi? Il était dans la trentaine, là, dans le milieu de la trentaine. C'est pas acceptable, ça. C'est dans le sens, c'est acceptable pour le collectif, mais pas pour un individu. Je veux dire, pour lui-même, ça aurait pas dû être acceptable. Mais là, on se finit tout le temps par, bon, surtout les gens qui sont nés privilégiés, là. Je suis écœuré actuellement avec tout ce qui se dit dans le supramental sur Facebook. Ça devient très des spiritualités très assez astralisées, très spirituelles. Ben, c'est pour ça que je passe sur Facebook, puis j'irai jamais, puis je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir de ça. Les groupes de discussion là, sur Facebook, ben voyons, ça a remplacé le perron d'église sur Facebook. C'est pas intéressant. Donc, qui s'arrange. Qui jasent entre eux autres, ils pensent qu'ils exercent la parole en mémérant. Mais à un moment donné, ça vient du mémérage. Un bocal de plus. Ouais, ça dépend, moi. Un nouvel ami félin. Ouais, ben là, moi, j'ai pas le droit d'avoir d'animaux aussi. La propriétaire, elle charge 75$ par mois de plus. Fait que je vais essayer d'y trouver une place. Peut-être que pour une fois, Facebook va servir à quelque chose. Mais là, faut que j'en parle avec du monde qui ont Facebook. Je vais finir par trouver. Bonjour Bertel, bonjour à tous. Il est bien, bien gentil, même trop. Il suit tout le monde. Il est trop, mais il est bien beau. Là, il était d'une maigreur à faire peur. Il venait d'avoir une croissance, puis il était trop maigre, il était trop fin, il était pas beau. Mais là, il est en train de devenir beau. Là, on devrait venir à bout de le placer. Bonjour Bertel de Shawinigan. Ah oui, la ville de Jean Chrétien. La cité de l'énergie, ces choses-là. J'ai un cousin, je pense, qui était rendu à Shawinigan. Mais, ah ben, bonjour à vous. Blue Shadow. C'est spécial, hein, Shawinigan. Ça a l'air, moi, c'est un coin spécial. Louis G. Du ménage, puis des ostinages, du mémérage. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas, Facebook. Ah, bonjour de Trois-Rivières, la ville de Duplessis. Moi, j'ai des référents un peu. Qu'est-ce que j'ai eu, donc, à Trois-Rivières dernièrement? Puis je me disais que ça se passe dans le tribunal où ce que Néré Duplessis, le père de Duplessis, était juge. En tout cas. Bonjour, Saul. Ben oui, Trois-Rivières. À un moment donné, il y a beaucoup de spiritualité hein, à Trois-Rivières, beaucoup de gens spirituels. Et, bon, mais là, dans mon coin, oui, il y a de la spiritualité, mais c'est pas pareil. C'est, en tout cas, beaucoup en font une finalité du supra, mais la conscience existe aussi. Ça dépend ce qu'on entend par là. Je peux pas nier que Blue Shadow, mais je suis dans le meilleur coin, dans la pointe entourée du Saint-Maurice, de la Saint-Maurice. Ah oui, la rivière. Ça, c'est Shawinigan. Mais c'est justement pour ça qu'on ça finit. Dans le fond, c'est l'emplacement, hein, de la façon que c'est fait, la cité de l'énergie, la conscience, l'incréé. Ouais, la force, parce que la création existe juste dans notre plan de perception. Dans le sens que c'est pour ça que les forces évolutionnaires, ça peut pas exister pour des affaires désincarnées. On a besoin de l'espace-temps. Puis le processus qu'on appelle le créer, c'est l'espace-temps. Même si ce qui a été fourni vient d'autres plans, là je parle au niveau pas du matériau, mais au niveau de l'énergie. Il risque, bon. Oui, je parle de l'organisme comme une métaphore. Pour le mental, il s'agit de dégager nos idées préconçues ou autres, par exemple. Ouais, ben, l'organisme comme une métaphore. Il faudrait peut-être que j'aille voir quelque chose que vous aviez dit plus haut, mais je pense que c'est votre premier. Oui, je parle de l'organisme comme une métaphore. Pour le mental, il s'agit de dégager nos idées préconçues aux autres, par exemple. L'affaire, c'est que le mental, qui contient des idées préconçues, il va se dégager tout seul s'il est observé à partir de quelque chose d'autre. Un point d'observation. Il faut que le mental soit observé. Donc, ça devient. C'est difficile hein, de l'intérieur du mental de faire l'intellect par l'intellect. Pour une désésotérisation du parler supramental, plus pour une scientifisation de la forme supra. Ouais, ben si ça continue, même j'avais dit ça il y a quelques années, j'ai dit qu'il va falloir que je délaisse ces termes-là. Alors, ça charrie trop d'affaires. C'est pour ça qu'il y en a qui ont parlé de la psychologie évolutionnaire. Mais là, la psychologie évolutionnaire, si on essaie de faire une science, on n'est pas prêt encore. On n'est pas prêt encore, c'est une science de l'individu, mais ça ne peut pas être. Reprenez, il y en a, ils vont parler de psychologie vibratoire. Il y a quelque chose d'un oxymore dans ça. Psychologique puis vibratoire, c'est pas pareil. Donc, est-ce qu'on psychologise le vibratoire ou c'est quoi là? Air pur et pollué plus haut dans le chat. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, j'ai pas la mémoire. Moins. Je perds le fil là, à mesure, là. Heureusement. Faut pas qu'il y ait de fil. Mais à part un fil, vous savez, là, comme le fil d'Ariane, air pur et pollué. Mais c'est ça, c'est parce que vous savez, là, le principe qui était dit que l'âme ne peut pas se corriger. Pourquoi on va dire que le psychiatre est celui qui soigne l'âme, psy, tu sais, on ne peut pas régler psychologique par le psychologique, dans le sens oui, on peut créer des contre-formes, on peut créer des contre-programmes, mais ça ne va jamais se régler d'un coup, comme si c'est observé de d'autres niveaux. Donc, c'est pour ça, là, c'est comme la colère vibratoire, c'est pas très précis, ça n'a pas l'être. C'est au niveau de l'intellect qu'on voudrait que ça soit précis. Justement, le psychologique. L'affaire, c'est que la colère vibratoire, ça a un effet, puis ça se ressent. Là, c'est le discernement vibratoire, la capacité d'être capable de sentir. Là, il y a des états, des fois, juste Bernard de Montréal. C'est lui qui a manifesté les colères mentales les plus fortes là, qui ont été enregistrées. Puis la colère vibratoire, puis la colère mentale. Une colère mentale, ça dépend de quoi on parle, hein, parce qu'on parle d'un mental comme la psychologie, le mental comme l'intellect. Ou est-ce qu'on parle d'un surmental ou de quelque chose qui est au-delà du mental? On va parler la colère mentale, ça va être la colère contre le mental, par rapport au mental, dans le mental. Mais elle vient pas du mental, la colère. Elle vient d'une vue. Une vue objective d'un autre point. Puis là, c'est un peu comme si le mental, il est mis en vibration, un peu comme un dentiste qui, avec des ultrasons, nettoie ses instruments. Donc, mais c'est très fort, ça. C'est très fort. Il y aurait moyen de rendre ça précis. Le problème, c'est plus c'est précis, plus l'intellect va récupérer. Puis là, ça ne peut pas être intellectuel. C'est une colère contre l'intellect, en souvent, mais aussi contre des forces qui jouent avec l'intellect. Puis quand je parle des forces, pas voir ça comme des entités ou des affaires de même. Là, je parle de des forces, c'est-à-dire de l'inconscience, c'est-à-dire de quelque chose qui engendre un dynamisme, puis qui n'est pas intégré par la conscience. Dans le sens, comme quelqu'un, je ne sais pas, moi, qui vit de l'anxiété, je ne sais pas pourquoi. Ça peut aider une colère mentale, une colère vibratoire. La colère, des fois, aide pour la volonté, c'est ça. Ben oui. La colère, ça c'est très, très puissant. Il y a beaucoup de choses. S'il n'y avait pas la colère, il n'y aurait pas de rien, là. Ça n'avancerait plus. Ça aide pour la volonté, oui. Comme quelqu'un qui vit une situation intolérable où il n'est pas respecté, c'est souvent par colère qu'il va trouver la volonté de s'en aller ailleurs. C'est très important, même. Puis on a tellement dénigré la colère. Alors qu'au fond, c'est un. Je veux dire, ça sert bien plus que la satisfaction, là. Ce qui circule beaucoup en ce moment, c'est la notion du couple cosmique et la lèvre de l'amour. Cela évoque-toi, j'écoute, j'ai quoi chez toi? Le sentez-vous, ce que ça. C'est quoi le couple cosmique? Vous voulez une contrepartie qui est. S'il y a une contrepartie puis une invitation, ça va être une partie de vous qui est au-delà du moi psychologique. C'est pour ça que les gens qui ont formé des couples, puis qui ont appelé ça des couples cosmiques, jouent de la misère avec ça. Puis là, l'aleph de l'amour. L'amour, c'est parce que c'est un principe. C'est un principe cosmique de sympathie, puis entre autres, les lois de sympathie, entre autres, ou même on pourrait parler de loi de la gravitation. On peut même rapprocher de ça. Il y a quelque chose au niveau magnétique de pareil, un peu, chez l'être humain. Mais là, c'est parce qu'il ne faut pas rester dans le magnétique, là. Donc, l'aleph, en tant que l'aleph qui est lié aux lois d'infinité, la béatitude n'est pas loin, puis le nirvana, puis ces affaires-là, là. Puis ça bloque. Ça bloque. Donc, ça avait quoi chez moi? Un paquet d'affaires que j'ai entendu par le passé qui faisait que les bras me tombaient, j'étais découragé. Je me disais, ben voyons. Ça évoque des dérives pour moi, tant qu'à moi. Ça a servi à des dérives. Mais là, c'est parce que c'est vibrant, hein? Le couple cosmique, la lèvre de l'amour. Le monde va être bien moins porté à parler. La volonté, l'intelligence, l'amour sans intelligence, ça finit toujours mal. L'amour sans intelligence, comme le monde de la mort. Je veux dire, pourquoi il y a des hiérarchies? Pourquoi on hiérarchise, notamment au niveau social? Parce qu'il n'y a pas de respect. Donc, l'amour intelligent, l'amour, ça, c'est des passions, ça vient de. C'est un centre, il y a trois centres, si on peut dire. Puis il y a des. Parlons du wokisme. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. C'est les nouveaux hippies. C'est les nouveaux. On se rapproche un peu plus là, du communisme, du marxisme, puis des réseaux trotskistes. La fusion des énergies masculines et féminines, c'est déjà fusionné. C'est l'être humain qui diffracte. C'est déjà. Vous n'avez pas les deux, vous, en vous. Regardez, là, prenez des vieux textes qui ont été vus comme des poèmes érotiques, puis prenez la Cantique des Cantiques, la fiancée qui attend, puis ça vous fait pas penser à l'homme et l'esprit. C'est quoi le couple cosmique? En tout cas, la colère peut transformer ou même transmuter une incapacité et permettre de voir un peu plus clairement la réalité de notre expérience individuelle. Parce que ça fait éclater des formes, une incapacité, ben oui. Mais c'est. Je dois quitter. Bonne journée. Bon, ben bonjour, Maxime. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais ça dépend le type de colère. Pourquoi il y en a, ils disent j'étais tellement en colère, je voyais plus clair. Alors, c'est parce qu'il y a de l'émotionnel dans le mental. Fait que là, ça marche pas parce que c'est à l'envers. Le circuit est inversé. Là, on perd de l'énergie au lieu d'en prendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un sursaut d'énergie, mais en bout de ligne, ça va être le catalyseur d'une perte. Donc, oui, mais c'est le type de colère qui change tout. Je sais pas si c'est vibratoire, mais quand je me choque, ça passe aussi vite que c'est venu. C'est instantané et fort. Ah! Ben, tout est vibratoire. C'est pour ça, l'affaire, je ne sais pas si c'est vibratoire, ben là. Même le psychologique, c'est de la subjectivité, c'est une densification, mais il y a du vibratoire, il y a une mécanique en arrière de ça, parce que c'est en arrière de tout. Vous savez, là, on s'est beaucoup, on a beaucoup été impressionnés par des schémas, par la géométrie sacrée, mais l'ultime géométrie, pourquoi je parle de ça? Je ne me rappelle plus. L'ultime géométrie, ça va être oscillatoire. Le vibratoire, dans le fond. Les psychologues du dimanche nous disent souvent la colère, c'est de la tristesse non exprimée. Non, la colère, c'est de la colère. Et voilà. Pas triste si quelqu'un pisse dans mon lit, je suis en colère. Ben oui, c'est ça. Là. Hey. C'est parce qu'eux autres sont dans la polarité de leur mental. C'est pour ça qu'eux autres, ils vont tout polariser. Tristesse, bonheur, satisfaction, frustration, amour, haine. Puis ça, c'est du nivellement vers le bas. Il va avoir une rationalisation simpliste. Tu sais, c'est comme il y en a qui ont dit tout est l'expression de la colère ou de l'amour ou de la haine ou de la peur. Oh, là. C'est plus complexe que ça, un peu. Donc, oui, les psychologues du dimanche, mais même les psychologues du lundi, là, des fois, là, sont spiritualisés pas mal. J'en ai connu des psychologues qui étaient très, très, très spirituels puis bornés. Puis, ils aidaient leurs patients sur le coup, à ce que je voyais sur le coup, mais à long terme, ils nuisaient. Bon, puis l'ordre des psychologues, il ne va pas jusque-là. Là. Il ne voit pas ça. Okay, bon. Pour tes lives, dois aller à mes affaires. Excellente journée à toi. Bon, ben bonjour, Christaline. Lucie qui rit. Oser changer la phrase qui dit « Tout est vibratoire » implique-t-elle dans le réel que nous devons discerner entre le vibratoire qui fait notre affaire ou pas? C'est parce que là, c'est le psychologique, entre autres, ce qui fait notre affaire ou pas. Ce qui est important, c'est ce qui ne fait pas notre affaire, dans le sens qu'à un moment donné, il va falloir se dépsychologiser un peu pour être plus objectif. Se servir du négatif, sortir de la polarité. Donc, nous devons discernant de la vibratoire, comme vous dites, qui fait notre affaire ou pas. Le vibratoire n'a pas à faire ou pas faire notre affaire, parce que là, on est rendu au-delà de ça. Avec le vibratoire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ou pas? Là? À un moment donné, il faut sortir du psychologique. Là. Parce que sinon, on va être encore dans la polarité. on n'en sortira pas, ça finira jamais. Wokisme devient toute la frustration, revendication que l'humain ne s'est pas permis d'exprimer depuis l'ère industrielle. Celle-ci, maintenant, exprimée sans carcanise dans la rigidité de la violence. Ben, c'est tout, moi, je trouve pas ça récent. Là, c'est des affaires qui reviennent sous d'autres formes. Vraiment, là. Donc, c'est dommage, mais faut pas oublier que quand il y a une déviance comme ça qui prend de l'ampleur et que c'est irrationnel, en grande partie irrationnel, c'est parce qu'il y a du monde qui pousse ça. Puis il y a des intérêts. Puis c'est financé. Donc, le wokisme devient toute la frustration, revendication, blablabla. On va se servir des lacunes psychologiques des gens par rapport à leur opinion subjective, psychologique, par rapport dans un conflit avec le monde. Puis, on va justement pour détourner l'énergie. Donc, vous remarquerez que le wokisme, il n'est pas venu au monde par des penseurs qui individuellement ont commencé à... Non, c'est venu au monde dans les universités. C'est venu au monde dans les universités, c'est des pensées qui sont commanditées et poussées de l'avant. Donc, les gens qui répandent ça sont des idiots utiles, entre guillemets, mais pas... Mais moi, je vois pas de différence avec d'anciennes choses. C'est juste les formes sont un petit peu différentes, qui ont changé un petit peu le langage. Je me suis joué avec le langage, entre autres. C'est des concepts qui ne sont pas beaucoup dans le concret, dans le fond. L'abstractif psychologique devient plus important que le réel. Dans des choses comme ça, c'est pour ça qu'on peut parler de déviance. Genre, mon opinion, et c'est moi qui définis la réalité par mon opinion psychologique liée à mon vécu, là, il y a un problème. Ben, c'est pas objectif. Souvent, ma colère est pour remettre les choses à leur place. Genre, arrêter de dévier de tous les bords, tous les côtés. Ça choque et ça replace. Ouais. Oh oui, c'est un peu comme être assis sur un tesson de bouteille. À un moment donné, il faut se lever. Même si ça dérange tout le monde dans la pièce, là. Wokisme a grandement maturé avec la French théorie qui a été exportée aux États-Unis. Ouais, mais ça retourne peut-être à la source, là, où il y a des jeux entre... Mais là, il faudrait que je regarde c'est quoi la French théorie, puis juste là, j'ai de la misère. Avec le terme. Mais, en tout cas. Votre vibration vis-à-vis la nouvelle Jérusalem, Apocalypse, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Mais c'est quoi? Puis ça, la nouvelle Jérusalem, c'est pas défini comme quelque chose qui descend. Là, tout d'un coup, il y a un nouveau ciel puis une nouvelle terre. Pourquoi en or? Pourquoi l'or pur? Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec le solaire? Si on brise les formes, ça c'est correct. Mais si on garde les formes, on ne peut rien faire là, avec ça, c'est naïf. Mais il reste que, si on regarde comme il faut, c'est parfait. C'est parfait. Comme était construite en jaspe. Puis pourquoi est-ce que les minéraux sont tellement importants dans le judaïsme, par exemple? Vous savez, le pectoral que les grands prêtres portent. C'est quoi le minéral? Il y a différents niveaux de densité, il y a différents niveaux de structure. Si la structure est différente, l'énergie circule différemment, sans tomber dans des affaires. Au fond, c'est très, très simple ce qui est dit dans l'Apocalypse par rapport à ça. Mais là, je laisse ça à la discrétion de chacun. Parce que l'Apocalypse, c'est pas à moi de faire ça. Au contraire, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième à kékék. Ben oui, c'est comme, prenez au niveau de certaines choses anciennes, il va y avoir... C'est très, je veux dire, dans le sens que c'est très précis, là, ce qui est dit. Mais prenez, juste, demandez-vous pourquoi justement, prenez les métaux, ces choses-là. Prenez l'or ou les objets en or ou même en argent. C'est tout le temps lié un petit peu à une bague en or. Bon, ça va être lié au cœur. Pourquoi? Ben, regardez, c'est là où le pouls bat, qu'on met des choses en or, les bracelets au niveau des poignets, les bagues sur les doigts, il y a des. Hein, le pectoral, carrément, le collier, la couronne. En tout cas, il y a une certaine logique là-dedans, même si c'est peut-être inconsciemment que ça a été reproduit tout le temps. Pourquoi il était dit anciennement que l'or était de Dieu, que c'est pour ça qu'il fallait pas que l'homme ait trop la soif de l'or. Après, il dit, ah, vous allez être comme des dieux. La soif de l'or commence là. Mais pourquoi l'or? Pourquoi c'est solaire? Pas juste parce que c'est jaune, pas juste parce que. En tout cas, mais c'est pareil pour les. Il y a la même logique par rapport à un moment donné, regardez au niveau moléculaire les différents types de pierres, de cristaux, ce n'est pas les mêmes niveaux de densité. Pourquoi le diamant a tout le temps été. C'est ce qu'il y a de plus dense, c'est du carbone. En tout cas, mais ça prend le plan matériel pour compresser à ce point-là, puis faire quelque chose d'aussi cristallin, puis après s'interroger avec d'autres plans. Prenez juste le topaz, certaines pierres, là, mais là, c'est pas l'heure de tomber d'un pierre puis de capoter là-dessus, là, comme le Nouvel Âge qui forme des petites roches, là. Juste de comprendre certaines affaires, comme il y a des pierres comme l'émeraude, ou il y a d'autres pierres, l'onyx noir, puis la tourmaline noire, je vous offre là. Ça va être associé plus à des religions lunaires. Il y a beaucoup de pierres noires dans l'islam. En tout cas, l'animal qui est représenté par le féminin sacré, le divin représenté par l'esprit, le masculin sacré en nous, c'est la notion de sacré, là. De la misère avec la notion de. Dans le sens, ça changerait beaucoup de choses. Comme comment ça se fait dans le Nouveau Testament, c'est une femme qui va parfumer la tête du Christ qu'on appelle les oint. C'est pas comme l'eau, c'est pas comme le symbolique de l'eau, mais quand même. La femme est plus qu'importante. On peut pas s'en passer. C'est plus qu'un. La même chose de l'autre bord, là. Dans le niveau du magnétique, on n'a pas le choix. C'est même pas. Non, ça va de soi. C'est des lois. On va faire avec. Vous savez, l'être humain, il suit pas la loi parce que c'est la loi. Il suit la loi parce qu'il n'y a pas le choix. Puis heureusement qu'il n'y a pas le choix. S'il y avait le choix, ça bloquerait tout de suite. Il n'y aurait plus rien. Parce qu'on n'a pas la maturité de choisir encore le vrai libre arbitre. En tout cas. Que penses-tu du grand remplacement provenant de l'immigration massive? Est-ce que cela va éventuellement entraîner notre perte culturelle pour en créer une dissolue dans une forme uniformisée? Ça dépend. Là. Si c'est fait dans l'harmonie, c'est correct, mais il reste que. Ça a l'air des tentatives de déstabilisation de la part de gens qui ont intérêt à avoir des masses de main-d'œuvre un petit peu plus dociles, on va le dire comme ça, d'une certaine façon, plus facile à. Il y a une haine de tout ce qui est national. Il y a tout le temps eu une volonté de défaire le national. Puis même là, si vous regardez dans le temps de Rome, les invasions barbares. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas polariser ça. Ça peut aussi bien aboutir au contraire. On verra. Le wokisme a la double fonction utilitaire d'ouverture de conscience, tolérance et d'expression des vicissitudes enfouies à la fois, car l'humain s'exprime l'inconscient avant d'en prendre conscience. Je ne suis pas d'accord. Bon, je ne suis pas sur les derniers principes, là, mais que le wokisme a double fonction utilitaire d'ouverture de conscience. Ça dépend, là. Parce que le problème, c'est que ça va aboutir à des conflits, ça ne peut pas faire autrement. Parce que vous avez dans le wokisme, ils vont dire, ben là, par exemple, les musulmans radicaux, c'est-à-dire qui remontent à la racine puis qui interprètent littéralement, il faut leur ouvrir les bras puis tout. Moi, c'est parce qu'une fois qu'ils vont être en majorité, c'est les woke qui vont manger une volée. Parce que les woke sont trop. Tu sais, à force d'être ouvert, on accueille des choses fermées des fois. Puis là, il va y avoir des cassures, il va y avoir des déséquilibres au niveau sociétal qui vont engendrer des conflits, qui vont engendrer toutes sortes de problèmes. Donc, l'affaire, là, d'être. Conscience au sens de tolérance. C'est quoi de la tolérance? C'est quoi de la tolérance? Comme on tolère un mal de dents, on tolère un mal de tête, on tolère un voisin dérangeant. Il y a une différence, là. La tolérance, pas nécessairement de la conscience. Ça dépend de quoi on parle. Sacrez-moi la paix avec le sacré, sérieux. Une femme de ma connaissance très soumise me parlait de féminin sacré. Le sacré, il est ni féminin ni masculin. Je parle le vrai. Donc, c'est complémentaire, le féminin puis le masculin. Si on se met à... En tout cas, n'est-ce pas les pieds de Jésus que la sœur de Lazare parfume et ensuite avec ses propres cheveux ou à l'essuie? Oui, puis aussi, il y en a un autre aussi qui fait ça. Pis... Mais là, je parle d'une autre, là, à un moment donné, elle essaie de... Puis finalement, mais, ouais, je vois à quoi vous faites référence. Mais l'affaire, c'est que on a expurgé le féminin à une certaine époque. Puis c'était pas valable. C'était pas valable, ça a juste engendré des problèmes. Puis il y a des hommes qui ont essayé d'intégrer le féminin, puis ils sont devenus des espèces de chimères. Puis même encore aujourd'hui. Donc, non, je parle d'une autre dame. Autant dans le wokisme ou d'autres idéologies du genre, entraîne le fanatisme et la dissension au sein du peuple, ce qui bénéficie à certaines personnes au placé, ça fait vendre aussi. Et voilà. Puis on a affaire à des êtres immatures qui ne veulent pas débattre. On va dire ça, c'est ça, puis il n'y a rien à faire. C'est sûr qu'ils ne veulent pas débattre parce qu'ils vont perdre le débat s'ils débattent, parce que c'est irrationnel. Quand quelqu'un a une mauvaise foi, là, c'est parce que c'est quelque part ici qui est tort, mais c'est inconscient. C'est inconscient. Bon, en tout cas, lorsque je dis que l'humain exprime l'inconscience avant de prendre conscience, n'est-ce pas un principe, mais un constat d'une société majoritairement inconsciente malgré la volonté de l'être? Vous savez, l'être inconscient va exprimer de la conscience inconsciemment. C'est pour ça le sortir de la polarité. C'est parce que l'être humain va tout le temps exprimer de la conscience pareil, même dans son inconscient, sans s'en rendre compte. C'est pour ça, même dans le wokisme, il y a peut-être des affaires qui sont pas si pires. Mais là, c'est parce que là, c'est un peu comme, je veux dire, c'est même pas un dixième. Là. Mais il reste qu'à un moment donné, si quelque chose au niveau de l'argument est intelligent, mais même juste au-delà de l'argument, on n'aura pas le choix de pas être de mauvaise foi nous-mêmes sous prétexte que l'autre a l'air de mauvaise foi. Et ça, là... C'était juste des termes rapportés. Ah, ben, j'ai pas vu. Faudrait que je remonte. Todd, les gens qui vibrent à quelque chose me font le même effet qu'un frigidaire qui vibre, ça m'énerve. Votre mécanisme est lousse. Pas de quoi être fier, moi. La face, parce que ça vibre à des basses fréquences. Pourquoi, comme on parlait du diamant tantôt, si vous venez à bout de faire vibrer un diamant, ça n'aura pas le même impact que... Pourquoi un verre ordinaire, ça vibre, oui, mais ça vibre tellement bas qu'on ne l'entend pas. Un verre de cristal, là, ça se met à chanter. Bon, on dit qu'il chante, c'est pas vraiment un chant, mais de comprendre par rapport le pourquoi on a parlé de musique sacrée. C'est quand je vous dis l'être humain, il exprime de la conscience même inconsciemment. Tout est fréquentiel, tout est vibratoire, tout est oscillatoire. Une fois qu'on a compris ça, il y a certains phénomènes beaucoup plus faciles à comprendre, comment dans le passé, il y a eu des phénomènes de bilocation. avec certains personnages. Puis... Ben oui, mais c'est on est dans un plan de mémoire de la forme, mais il y a des lois au-delà de ça. Donc, prenez certains phénomènes, quand il y a certaines manifestations, par exemple, vous avez des pierres qui se matérialisent, qui tombent, sont chaudes. Les gens qui ont eu le courage de leur toucher à tout de suite après, ils se rendent compte que c'est chaud. Pourquoi? Comment ça? En tout cas, l'affaire, moi, je vois là, que vous voulez dire, mais c'est parce que juste quand vous dites les gens qui vibrent à quelque chose me font le même effet qu'un frigidaire qui vibre, ça veut dire que vous vibrez à ceux qui vibrent, quelque part. Parce qu'il faut qu'il y ait une perception que, bon. En tout cas, une des meilleures vidéos où Glenn se fait répondre par Bernard, là, c'est quand il est vrai, il est vraiment une haute vibration. Puis il dit, tu ne me feras pas vibrer avec tes soucoupes volantes puis tes cossins d'ovnis. Tu ne me feras pas vibrer avec toutes tes conneries. Ça n'a pas dû aider à le sortir, en tout cas. Les woke ont un programme, ça les rend prévisibles. On oublie à quel point c'est mécanique et sans vie parce qu'il y a une couche d'émotivité par-dessus. Ben, c'est le gaz, c'est le carburant, l'émotivité. C'est toute idéologie, même la plus froide, même les zététiciens carburent à l'émotivité, c'est juste qu'ils ne le voient pas. Puis ils pensent que, mais non, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça, on n'y échappe pas quelque part. Ce qu'on va parler de pas d'émotion dans le mental, c'est au moins d'être capable de gérer le carburant. Que le carburant soit géré par autre chose que des programmes inconscients. C'est juste ça, là. Tu sais, que l'émotivité soit pas là où elle dessert. C'est tout. Parce que là, c'est sûr que les idéologies, ça carbure tout le temps l'émotivité, même celles qui se réclament d'être moins émotives. C'est juste plus caché, c'est juste plus refoulé, c'est plus bon. Oui, à l'origine, le wokisme parle de prise de conscience. Avant d'être appelé wokisme, il s'agit de tolérance et reconnaissance. Maintenant récupéré par une masse, c'est totalement émotif. Moi, ouais, mais ça l'était au début aussi. Encore une fois, c'est quoi de la tolérance? C'est un petit peu péjoratif là, par rapport à ce qui est toléré. Regardez le mot. Regardez la vibration du mot tolérance. Il y a déjà une contrainte, il y a déjà. En tout cas, puis là, reconnaissance, ça, moi je dirais voir une vue. Parce que regardez, là, il y en a sont en colère parce que des catholiques fondamentalistes, parce que le pape est venu s'excuser au niveau des Autochtones. Ben oui, mais c'est pas de leurs affaires. Par rapport avec eux autres. Tu sais, il y en a qui disent, ah oh, oui, c'est de la pleurniche, on s'excuse d'avoir été catholique. Le pape n'est pas venu s'excuser d'avoir été catholique, il est venu s'excuser pour les abus de l'Église commis par des gens qui étaient dans l'Église, qui servaient de l'Église comme structure pour se protéger, qui ont commis des crimes. Il ne vient pas s'excuser d'avoir été. Vous voyez, là, à un moment donné, il faut être objectif. Il y en a des Autochtones que ça va leur servir, ils vont pouvoir mettre certaines choses de côté, puis là, commencer à aller de l'avant. Parce qu'ils ont été vus, reconnaissance, c'est juste quelqu'un qui dit, ben, je vois que vous souffrez, puis c'est réel. C'est ça, la reconnaissance dans ce sens-là. Mais on n'est pas pour, là, la tolérance, c'est autre chose, là. Comme, être tolérant. C'est un peu, je pense, c'est André Moreau, il avait dit, allez dire à un de vos voisins qui est homosexuel que vous le tolérez. Il va être insulté, c'est sûr. Parce que les choses qu'on tolère, c'est ce qu'on accepte qu'on ne peut pas changer, même si ça ne fait pas notre affaire, comme on tolère un mal de tête. Puis la tolérance, là, ça va jusqu'à tolérer l'intolérance. À un moment donné, c'est les tolérants qui vont manger une volée. C'est dangereux. Il ne faut pas que ça soit y a une passivité. En tout cas, la tolérance, ce n'est pas le respect de ceux qui n'en ont pas. Et voilà, moi, ben, le respect, c'est quoi du respect? Moi, j'ai aucun respect pour des gens intolérants qui voudraient me lapider. Il n'y en est pas question. J'ai aucun respect pour du monde qui voudrait me mettre en prison ou me vacciner de force. J'ai aucun respect. Fait que je dois être quelqu'un d'extrêmement intolérant. Pourtant, je suis quelqu'un de tolérant. Les gens vont souvent dire que je suis tolérant. Ils comprennent pas ce que ça veut dire. Je suis pas tolérant, j'essaie d'être ajusté. Mais à un moment donné, quand vous voyez quelqu'un arriver, puis sais, l'affaire, là, si on te frappe sur une joue, présente l'autre joue, ça c'est devenu l'image de la tolérance, ça n'a pas de bon sens. L'affaire que ça, puis si on prend ton manteau, donne ta tunique, l'affaire, là, c'est pas un appel à la passivité, puis voyons, ça veut dire, même si tu me frappes, même si tu m'emmènes la police pour me battre, ce que je sais, je le sais. Vous pouvez pas m'enlever ce que je sais. Vous pouvez pas. Si j'ai une idée, je vais pas changer d'idée parce qu'on me bat. Puis après, être dénigré socialement, puis me ramasser dans la rue, même là, ce que je sais, je le sens encore. Si on prend ton manteau, donne ta tunique. Pour ça, là, c'est devenu des affaires naïves. Moi, la tolérance qui rend naïf, je suis intolérant de ça. Je peux pas endurer ça. Ça m'écœure. Ça me choque. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Non, ça fait 1 heure, je vais devoir quitter. Mais il reste que se passer des choses, on pourrait en parler longtemps. Puis c'est des débats qui ont. On pourrait dire que la tolérance, c'est juste la capacité de gérer sa relation à quelque chose de désagréable. Oui, mais pas nécessairement. C'est pour ça, là, il y a une polarisation. C'est pour ça que j'aime pas ce terme-là. Dans le fond, quelqu'un qui est créatif, il va être entre guillemets tolérant. Parce que c'est ajusté. Mais quand c'est ajusté d'être tolérant, il va être intolérant. Il va avoir de la colère puis de la volonté. Puis le monde va dire, il est intolérant. Non, non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ça dépend de quoi on parle. Tolérance, à mon sens, observation et compréhension dévier celle-ci devient revendication d'une acceptation imposée par une émotivité contrôlant la conscience. Voilà. Pour ça que, puis là, contrôlant la conscience, la conscience, étant donné que c'est de la conscience, mais ben là, c'est contrôlant une part d'inconscience. Je dirais, ça peut pas, ça sort d'une certaine subjectivité, puis la conscience va être amoindrie. Puis moins effective, moins. On ne pourrait pas combattre ou s'opposer avec respect. Ça dépend à qui vous, qu'est-ce que vous combattez et à quoi vous vous opposez. Si vous n'êtes pas respecté, vous allez perdre votre affaire. Combattre, vous allez perdre votre combat. Puis votre opposition, elle ne durera pas longtemps. On ne peut pas respecter du monde qui ne nous respecte pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas ajusté. Au pire, s'arranger pour ne pas avoir affaire à. Pour ça que, en tout cas, bonne journée, Fesban, bonne journée. Blue Shadow, merci beaucoup et bonne journée à tous. J'aime bien ces rencontres et discussions. Bon, ben, bonne journée à vous. Osez changer. Moi, j'y vais. Bonne journée à tous. Bon, ben, bonne journée à tous. Je vais y aller aussi. Donc, bon, j'espère que ça a été pas trop pire. Des fois, je sais pas, ça m'arrive des fois de réécouter un live, je me dis, ouais, c'est un moyen. La tolérance, c'est toujours du cas par cas. L'important, c'est de se respecter soi-même. Voilà, le discernement. Le discernement. La première affaire à apprendre à vos enfants, c'est du discernement. Parce que si vous lui rentrez dans la tête des histoires de tolérance, puis tout, vous allez en faire des victimes toute leur vie. Puis ils vont tolérer des choses qui sont inacceptables. Il ne faut pas que ça arrive, il faut qu'il se fasse respecter. Pour ça prend du discernement. Bon, au revoir, Steve. Bon, ben, au revoir, tout le monde. Bonne journée.